des cocotiers, ce que tu imagines. À travers la fumée des cheminées d'usine. C'est pas de la rosée, ce que tu imagines. C'est de la pluie acide chargée de dioxine. Terre, planète Terre, combien de temps encore vas-tu nous abriter? Terre, planète Terre, nous avons ton image pour unique clocher. Ce n'est pas un champion ce que tu imagines. Ce n'est pas un champion ce que tu imagines. C'est un laissé rébré bourré d'enfer. Ce ne sont pas des étoiles ce que tu imagines. Ce ne sont pas des étoiles ce que tu imagines. Seulement des néons que la ville agglutine. Que la ville agglutine, que la ville agglutine. Terre, planète Terre, combien de temps encore vas-tu nous abriter? Terre, planète Terre, nous avons ton image pour unique clocher. Ce ne sont pas des loups ce que tu imagines. Ce ne sont pas des loups ce que tu imagines. Seulement des guerriers fous qui la nuit assassinent. Qui la nuit assassinent, qui la nuit assassinent. Ce ne sont pas des prés ce que tu imagines. Ce ne sont pas des prés ce que tu imagines. Mais des champs d'algues vertes que l'on décontamine. Que l'on décontamine, que l'on décontamine. Terre, planète. Combien de temps encore vas-tu nous abriter? Terre, planète Terre, nous avons ton image pour unique clocher. C'est pas un coffre-fort ce que tu imagines. C'est pas un coffre-fort ce que tu imagines. C'est un cercueil. Au poignet de platine, au poignet de platine, au poignet de platine. C'est pas des cocotiers ce que tu imagines. C'est pas des cocotiers ce que tu imagines. À travers la fumée, c'est des cheminées d'usine. Des cheminées d'usine, des cheminées d'usine. Terre, planète Terre, combien de temps encore vas-tu nous abriter? Nous avons ton image pour unique clocher. Pour forcer les barrages de notre identité. Découvrir le visage de notre image.